Toujours à la même occasion, le président nigérian Muhammad Buhari, commandant en chef des forces armées, a fait parvenir une corbeille de fleurs au maréchal Kim Jong-un. Amos Elisha, chargé d'affaires par intérim nigérien en Corée, l'a transmise le 12 courant à un cadre coréen intéressé. De sa part, il a offert une lettre de félicitations au maréchal Kim Jong-un.